Acte deuxième, scène première. Berthault, seul. Comme ces grands seigneurs sont longs à s'habiller, le monde est si lambin que ça m'en fait bâiller. Louison m'a dit d'attendre et de guetter son maître, pour lui glisser mon mot, sitôt qu'il va paraître. Je suis depuis tantôt caché dans le grenier. Il lui faut plus de temps, rien que pour un soulier, qu'à moi pour ma perruque. On le peigne, on le frise, ses bas sur ses talons, sa veste à moitié mise, un coiffeur par derrière, un tailleur par devant, une houppe à la main, il se mire en rêvant. Et du blanc, et du rouge, et du musc, et de l'ambre, des tourbillons de poudre à ravager la chambre. Pouah ! S'il faut pour un duc faire ce métier-là, autant vaut être femme, ou danseur d'opéra. Je voudrais bien savoir ce que dirait mon père si je m'enfarinais d'une telle manière, lui qui savait si bien me pousser par le dos lorsque je m'attardais derrière nos troupeaux. Ce n'est pas moi, du moins, avec mon humeur leste, qu'on verrait perdre une heure à boutonner ma veste. Être vif et gaillard fut toujours ma vertu. Il me semble pourtant que je suis bien vêtu. Voyons, j'avais tantôt préparé ma harangue. Il ne faut point ici s'entortiller la langue. Que vais-je dire au duc ? Je dirais, monseigneur ? Oui, monseigneur, d'abord. C'est juste et c'est flatteur. Or, mademoiselle Louison ? Non, je dirais Lisette. C'est son nom de gala. Respectons l'étiquette. Lisette, donc, et moi, nous sommes résolus. Non, nous sommes enclins. Ce n'est pas ça non plus. Reprenons. Monseigneur, c'est vexant quand j'y pense. Tantôt, dans le grenier, j'étais plein d'éloquence. Et dire qu'un bon mot peut tout enjoliver. Ouida, j'ai vu la chose au théâtre arriver. Si je me rappelais, dans quelque comédie, une attitude heureuse, une phrase arrondie. Monseigneur, s'il est Dieu, si le ciel, les enfers, j'y suis. Si les héros qui purgeaient l'univers, est-ce bien ces gens-là qu'il convient que j'invoque ? Non, pour un pharmacien, ça prête à l'équivoque. Monseigneur, si les rois, si les ducs ont aimé, je ne trouverai rien, je suis trop enrhumé. On entend une sonnette. On a sonné là-bas, c'est Louison qu'on appelle. Scène 2. Berthault, Lisette, portant une robe sur le bras. Lisette. Que fais-tu là, Lucas ? Berthault. Eh, je fais sentinelle. Ne m'avez-vous pas dit de rester aux aguets ? Lisette. Oui, mais tu trouveras quelque honnête laquais qui, très discrètement, va te mettre à la porte. Berthault. Ouais, qu'est-ce que cela ? Lisette. Des hardes que j'apporte. Berthault. Encore des ornements, des objets féminins ? Mais vous en avez donc ici des magasins ? Lisette. On vient de ce côté, c'est monseigneur sans doute. Berthault. Bon, je vais lui parler. Lisette. Oui, pourvu qu'il t'écoute. Berthault. Oh, j'ai dans le grenier préparé mon discours. Lisette. Songe que les meilleurs sont toujours les plus courts. Berthault. Le mien est admirable, et j'en fais mon affaire. Il est vrai qu'à présent, je ne m'en souviens guère. Lisette. Je te quitte, on m'attend, mais je vais revenir. Scène 3. Le duc, Lisette, Berthault. Le duc, habillé. Eh bien, Lisette, eh bien, mon aspect te fait fuir. Suis-je à ton gré, dis-moi. Ils se mirent dans une glace. Lisette. Toujours. Le duc. Quel est cet homme ? Berthault saluant à plusieurs reprises. Monseigneur, monseigneur, c'est Berthault qu'on me nomme. Je suis venu. Le duc. Va-t'en. Berthault. Monseigneur, je... Le duc. Va-t'en. Berthault. Monseigneur. Il se retire en saluant. Scène 4. Le duc, Lisette. Le duc. Toi, viens ça. Lisette. Ma maîtresse m'attend. Le duc. Eh, qu'elle attende. Elle a ses femmes, je suppose. Elle boude ce soir, mais pour si peu de choses. Crois-tu du rendez-vous l'espoir abandonné ? Lisette. Monseigneur, c'est vous seul qui vous l'étiez donné ? Le duc. Je te le donne encore. Lisette. Permettez ? Le duc. Point d'affaire. Écoute, la duchesse est là, près de ma mère. Sur mon compte, sans doute, on jase en ce moment. Vas-y, je sortirai par cet appartement. Je serai rêveur, sombre et d'une humeur atroce. Mais dès qu'on entendra le bruit de mon carrosse, compte qu'après avoir dûment délibéré, dit quelque mal de moi, peut-être un peu pleuré, la duchesse pourra changer de fantaisie. Ses caprices ne sont qu'un peu de jalousie. Elle prétend, au vrai, détester l'opéra. Elle n'y viendrait pas, mais elle m'y suivra. Lisette. De grâce, écoutez-moi. Le duc. J'y gagerai ma tête. Déjà, dans ce dessein, sans doute, elle s'apprête. Sois sûr qu'elle va demander ses chevaux, choisir le plus coquet parmi ses dominos, et, les yeux aveuglés sous un capuchon rose, d'un petit mal bien clair, chercher bien loin la cause. Puisse-t-elle, à ce bal, trouver beaucoup d'appât? Quant à moi, tu sais bien que je n'y reste pas. Tu sais que je reviens. Ainsi, tu vois, ma belle, que lever tout obstacle est une bagatelle. Je vais faire au hasard une visite ou deux, perdre quelques louis, peut-être, à leur sot jeu, dépenser ma soirée à parler sans rien dire. Le jour est aux ennuis, et le reste à zaïre. On sonne. On t'appelle. Au revoir. Scène 5. Berthaud, seul. Quelle horreur, j'ai tout vu. C'est dit, je suis berné, je suis presque, aux vertus. Aurait-on supposé tant de scélératesse? Le duc parle assez clair. Louison est sa maîtresse. Je ne l'ai pas rêvé, j'en suis sûr. J'étais là, traîtresse. Épousez donc des tendrons comme ça. Cassez-vous donc la tête à chercher pour lui plaire des mots mieux compilés que dans une grammaire, pour trouver que l'objet de tous vos sentiments, même avant qu'on l'épouse, a déjà des amants. Et tu crois que je vais, comme un mari crédule, avaler bonnement ta malsaine pilule? Nenni, ma belle enfant, tu ne m'y prendras pas. Je verrai la duchesse, et j'y vais de ce pas. J'irai, je lui dirai. Voyons, que lui dirai-je? Madame, si jamais. Non, il faut que j'abrège. Madame? Ô ciel, je sens mon sang-froid s'altérer. En l'état où je suis, je crains de m'égarer. Je vais aller plutôt trouver la maréchale. La voici justement qui traverse la salle. Je vais tout dévoiler. Allons, ferme, du cœur. Scène 6. La maréchale, Berthaud. Berthaud. Madame? La maréchale. Que veut-on? Berthaud. Madame, j'ai l'honneur. La maréchale. Que voulez-vous, l'ami? Berthaud. Madame, je me nomme. La maréchale. Eh bien, qu'est-ce? Berthaud. Berthaud. La maréchale. Retirez-vous, brave homme. Berthaud. Madame, je venais. La maréchale. Laissez-moi. Berthaud, à part. Grand merci. Il paraît que l'on a l'oreille dure ici. Oh, s'il se pouvait pourtant, madame. La maréchale. Allez, vous dis-je. Berthaud, saluant. Je sors. À part. En vérité, cela tient du prodige. Oh, mon heure viendra. Je vais dans mon grenier retoucher mon discours pour me désennuyer. Scène 7. La maréchale, seule. Il n'en faut plus douter, la duchesse est jalouse. Mon fils a méconnu sa bonne et tendre épouse. Lisette a fait le mal, je le dois arrêter. Lucile doute encore et voudrait hésiter. Faible contre elle-même et contre ses alarmes, ses regards indécis sont voilés par les larmes. Elle ne saurait croire à cette cruauté, donnant si bien son cœur de le voir rejeté. Elle croit aimer trop pour n'être point aimée. Mais, bien qu'à tout soupçon son âme soit fermée, la souffrance l'emporte, elle y résiste en vain. Je la sens me parler, rien qu'en pressant sa main. Qui sait, tel que mon fils, dans la folle jeunesse, où pourrait l'entraîner un instant de faiblesse? Le hasard d'un seul pas va si vite et si loin. C'est à moi d'y songer. J'en veux prendre le soin. Scène 8. La maréchale, Lisette. La maréchale. Lisette, où courez-vous d'une telle vitesse? Lisette. Madame, on a coiffé madame la duchesse. Je vais chercher là-bas un de ces dominos. La maréchale. Elle va donc se mettre en masque? À quel propos? Veut-elle aller au bal? Lisette. Madame, je le pense. La maréchale. C'est étrange. Et mon fils? Lisette. Il est parti d'avance. La maréchale. Seul? Lisette. Tout seul? La maréchale. Et ma bru va donc le retrouver. Lisette. Je ne sais, sa toilette à peine à s'achever. Telle robe lui plaît qui bientôt l'importune. Elle en regarde 10 avant d'en choisir une. Elle a presque grondé ses femmes, et je crois être grondée aussi pour la première fois. La maréchale. Faites qu'en ce moment une autre vous remplace. Lisette, ouvrant la porte du fond. Holà, quelqu'un! Marton! La maréchale. Faites aussi qu'on passe par la grand salle. Une des femmes paraît. Lisette lui parle bas. La femme sort par le fond. Eh bien? Lisette. Madame, me voici. La maréchale. Louison, c'est grâce à moi que vous êtes ici. Votre père est chez nous, fermier, dans un domaine. Vos parents sont à moi. Je suis votre marraine. J'ai pris grand soin de vous, dès vos plus jeunes ans. Je vous ai reçu, enfant, chez mes enfants. M'aimez-vous ? Lisette. Dieu merci, plus que je ne puis dire. La maréchale. Votre cœur parle franc ? Lisette. Aussi vrai qu'il respire ? La maréchale. Si, par obéissance ou par nécessité, il fallait devant moi sceller la vérité. La crainte d'un péril ôte celle du blâme. S'il vous fallait mentir. Lisette. Je me tairais, madame. La maréchale. Mais si vous le deviez. Lisette. Personne ne le doit. La maréchale. D'où vous vient le brillant que vous avez au doigt ? Lisette, à part. Oh, malheureuse. La maréchale. Eh bien, vous gardez le silence ? Songez que, me voyant averti à l'avance, votre silence parle et peut en dire assez. Lisette. Ce brillant m'appartient. La maréchale. D'où vient-il ? Lisette. Je ne sais. La maréchale. Prenez garde, Louison. Lisette. Madame, il se peut faire qu'on soit, je le répète, obligé de se taire. Si ma bouche est muette et doit ainsi rester, de mon respect pour vous, est-ce donc m'écarter ? La maréchale. Lisette peut se taire alors que je commande. Mais Louison doit parler si je le lui demande. Lisette. On m'appelle Lisette. La maréchale. Oui, dans cette maison. A-t-on changé le cœur aussi bien que le nom ? Lisette. De grâce, excusez-moi, je me sens si confuse. Ce cœur voudrait s'ouvrir, mais... La maréchale. Mais il s'y refuse ? Lisette. Non, madame. Hésitez quand vous parlez ainsi. C'est trop souffrir pour moi. Cette bague est à lui. Elle se met à genoux. La maréchale. Mon fils, je le savais. Levez-vous donc, ma chère. Vous avez en tout cas mieux fait que de vous taire. Mais que prétendez-vous ? Lisette, se levant. Rien au monde ? La maréchale. Et pourquoi, puisque votre secret s'échappe devant moi, cette sorte d'audace avec cette imprudence ? Lisette. On parle comme on peut. On agit comme on pense. La maréchale. Pensez-vous que le duc soit pour vous un amant et qu'on puisse à son gré trahir impunément ? Vous croyez-vous assez pour être une maîtresse ? Ma question vous choque et votre orgueil s'en blesse ? Lisette. Je viens de m'incliner, madame, devant vous. Mon orgueil tout entier est encore à genoux. Il peut, sans murmurer, souffrir qu'on m'humilie, mais non pas qu'on m'outrage ou qu'on me calomnie. On ne doit m'accuser d'aucune trahison. La maréchale. Oui, cela porte atteinte à l'honneur de Louison. Lisette. À mon honneur, madame ? Et pourquoi non, de grâce ? Un brin d'herbe au soleil, comme on dit, à sa place ? Pourquoi n'aurais-je pas la mienne, s'il vous plaît ? Le monde est assez grand pour que tout ce que Dieu fait. La maréchale. Vous parlez haut, Lisette, et changez de langage. Lisette. Ma foi, madame, c'est celui de mon village. Mon père s'en servait, et je l'ai toujours pris, lorsque sur mon chemin j'ai trouvé le mépris. Certes, lorsque l'honneur s'unit à la noblesse, c'est un bien beau hasard qu'il trouve la richesse. Mais s'il est dans le cœur des gens qui ne sont rien, on devrait le laisser à qui l'a pour tout bien. La maréchale. Mais dans cette maison, à jaser de la sorte, songez-vous qu'il se peut ? Lisette. Qu'il se peut que j'en sorte. Je ne le sais que trop, et c'est ce triste pas qui m'a fait hésiter. Je ne m'en défends pas. Dire adieu tout à coup, d'abord à vous, madame, puis à tant de bienfaits, à tant de bonté d'âme, perdre tout d'un seul mot, le présent, l'avenir. Oui, c'est là ce qui fait que j'ai failli mentir. Mais je le dis encore, même étant accusé, je ne puis supporter de me voir méprisé. Quand m'a-t-on jamais vu ou trompé ou trahir ? Qu'on m'apprenne mon crime avant de m'en punir. La maréchale. Vous venez à l'instant de l'avouer vous-même. Lisette. Est-ce ma faute à moi si le duc dit qu'il m'aime ? Si de tristes présents, à regret acceptés, ses discours importuns, son caprice. La maréchale. Arrêtez, je ne saurais vouloir ni de vos confidences, ni certes, et moins encore, de vos impertinences. Votre maîtresse est là, pas un mot de ceci. Mon fils dit qu'il vous aime, éloignez-vous d'ici. Puisque votre vertu se croit calomniée, vous la verrez sans peine ainsi justifiée. Vous avez tant d'esprit, trouvez quelque raison, inventez un prétexte et quittez la maison. » Lisette. « Mais je ne l'aime pas, madame. » La maréchale. « Toi, Lisette ? » Lisette. « Non, je l'écoute dire et je reste muette. » La maréchale. « Je perdrai patience à voir ainsi mentir. » Lisette. « Je perdrai patience à plus longtemps souffrir. Ainsi vous me chassez. Est-il vraiment possible qu'un franc aveu vous trouve à tel point insensible ?» La maréchale va pour sortir. « Et quoi ? Sans un regret, sans laisser à mes yeux ce regard qu'on accorde aux plus tristes adieux. Et mon père, madame, est-ce donc bien sa fille, Louison, l'honnête enfant d'une honnête famille, Louison, qui par votre ordre et contre son désir est venue à Paris obéir et servir, et qu'on verra demain, seule et désespérée, sous notre pauvre toit rentrée et déshonorée? Qu'ai-je fait? Votre fils, riche, aimé, tout-puissant, me marchande au hasard et m'achète en passant. Sûr qu'un peu d'or suffit et qu'un mot fait qu'on aime, il s'écoute, il se plaît et se répond lui-même. Et moi, lorsque je parle à force de tourment, au lieu de m'écouter, on me dit que je mens. Soit, il me souviendra d'avoir été sincère. Justice des heureuses et des grands de la terre. Qu'importe un peu de mal, pourvu que dans un coin, la victime oubliée aille pleurer plus loin. Et qu'en marchant sur nous, la vanité blasée n'entende pas gémir, la souffrance écrasée. La maréchale. Ne te fais pas trop vite un chagrin sans raison. Nous en reparlerons demain. Bonsoir, Louison. Scène 9. Lisette, seule. Demain. Elle est partie. Un accent de colère n'a point accompagné sa parole dernière. Peut-être elle me plaint tout en me condamnant. Mais que me reste-t-il ? Que faire maintenant ? Demain, a-t-elle dit. Jamais, c'est impossible. Le mal est trop réel, le soupçon trop horrible. Quand demain sa pitié voudrait me retenir, je suis de trop ici. Mais comment en sortir ?